Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la politique étrangère de Franklin D. Roosevelt. Franklin Roosevelt, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1933, avait essentiellement comme souci prioritaire la lutte contre la crise. La politique étrangère occupe une place mineure dans cette affaire. D'ailleurs, à cette époque-là, elle n'intéresse pas beaucoup les États-Unis et les Américains. L'historien André Caspi résume parfaitement dans cet extrait le contexte dans lequel le président Roosevelt prend le pouvoir. Mais si la priorité absolue de Roosevelt est bel et bien de redresser l'économie américaine quand il est élu président des États-Unis, la réalité politique des années 30 va très, très rapidement le rattraper. Les grandes manœuvres d'Hitler en Europe qui vont conduire à la chute de la France en juin 1940, les folles ambitions du Japon qui mèneront à l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941 vont forcer les États-Unis à sortir de leur isolationnisme et accepter d'entrer en guerre et d'assumer leurs responsabilités sur le plan international. La deuxième affaire qui intéresse les États-Unis, c'est le lien qui peut exister entre la crise et le reste du monde, c'est-à-dire est-ce qu'on peut trouver un moyen de lutter sur le plan international contre la crise? Est-ce que l'on peut s'unir avec la France, avec l'Angleterre, pour arriver à des résultats précis? Et là-dessus, Franklin Roosevelt a une attitude d'abord ambiguë et finalement hostile, c'est-à-dire qu'en juillet 1933, il participe à la conférence économique de Londres et il donne les instructions nécessaires pour que les Américains fassent bande à part. C'est-à-dire qu'au fond, pour les Américains, il n'y a pas de combat international contre la crise, il y a des combats nationaux, c'est du chacun pour soi. L'isolationnisme est de plus en plus fort aux États-Unis dans cette période-là. À nouveau, l'historien André Caspi à l'émission Au fil du temps en 1993 pour nous expliquer le contexte qui va conduire les États-Unis à sortir finalement de leur isolationnisme et à accepter donc d'entrer dans cette deuxième guerre mondiale, de devenir un joueur incontournable de l'échiquier mondial à partir du moment où se déroule cette deuxième guerre. Je retrouve avec plaisir l'historien André Champagne. André Champagne, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. André, c'est vrai que ce qu'on connaît surtout de Franklin D. Roosevelt, puis d'ailleurs on a fait une émission ensemble là-dessus, c'est son fameux New Deal. Ce programme de redressement économique qui va être adopté, mis en place, en fait, durant les années 30. Mais la politique étrangère américaine de Roosevelt, on peut dire que ça va être très important au final dans son bilan, dans son héritage. Comment la résumer en quelques mots, cette politique étrangère? La marche vers la guerre, oui. La réaction à l'expansion japonaise en Asie et la réaction à l'expansion allemande en Europe. Et la sortie de l'isolationnisme, c'est ça et aussi. Et aussi le début de la guerre froide. Ouais. C'est-à-dire que c'est un président exceptionnel qui a été confronté aux deux crises les plus graves auxquelles ont été confrontés les États-Unis depuis la guerre de sécession, c'est-à-dire la crise économique, ouais. La Grande Dépression et évidemment la Seconde Guerre mondiale. Et avec cette sortie de l'isolationnisme américain, guerre oblige, les États-Unis, puis on va y revenir dans l'émission, mais c'est à partir de ce moment-là où ils deviennent un petit peu, où ils se donnent ce rôle de grands champions, de grands défenseurs du monde libre. Vous évoquez la guerre froide, la démocratie. Oui, c'est qu'enfin, les États-Unis assument une politique étrangère conforme à leur puissance économique, à leur puissance. Ce que les Républicains avaient refusé de faire après leur retour au pouvoir en 1920, Roosevelt est obligé par les circonstances de faire comprendre au peuple américain on n'a plus le choix, d'autant plus que la Grande-Bretagne et la France ne sont plus les puissances qu'elles étaient. Ouais. Mais vous le dites bien, il doit faire comprendre aux Américains. Puis là, on revient à ce qu'André Caspi disait. Quand il prend le pouvoir, la priorité, c'est la crise. Et il y a aucun appétit, ni au Congrès, ni dans l'opinion publique américaine, pour tout ce qui touche aux relations internationales. Et pour une raison assez évidente, c'est que les banques américaines ont prêté massivement à la France et à la Grande-Bretagne pour faire la guerre aux puissances centrales, à l'Allemagne, à l'Autriche-Hongrie. Et Paris et Londres ont eu beaucoup de difficultés à reconnaître ces dettes-là et ont payé tant bien que mal tout au long des années 20. Mais dès que la crise s'est déclenchée, c'est clair que Paris et Londres ne voulaient plus assumer la dette. Et le Congrès a vraiment s'est braqué, a réagi mais vraiment vivement contre ça. D'autant plus que la Russie tsariste, à qui l'Amérique avait prêté énormément d'argent aussi pendant la guerre, elle, étant donné la révolution, étant donné l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, la Russie bolchevique ne voulait pas payer non plus les dettes. Donc la Première Guerre mondiale avait coûté très cher aux Américains, aux banques américaines. Exactement, oui. On ne veut plus manger de ce pain-là. Donc il y avait, ça expliquait. Puis aussi, il y a eu une commission d'enquête, la commission Nye, qui va mener des travaux en 1934-1935, et qui arrivera à la conclusion que finalement, l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, c'est le résultat des pressions exercées par les banques américaines qui craignaient de ne pas être remboursées par, justement, les Russes, les Britanniques et les Français, et que pour servir les intérêts de ces banques-là, de jeunes Américains sont morts au combat. Oui. Puis en plus, il faut le rappeler, on est aux États-Unis, aux prises avec cette crise économique qui est épouvantable, qui est une des plus grandes épreuves que ce pays va traverser au 20e siècle, effectivement. Il n'empêche que même si ce climat-là existe, Roosevelt commence un petit peu. Il est conscient de tout ça, du fait qu'on n'ait pas d'appétit pour se lancer dans les questions d'affaires étrangères, mais il commence quand même un petit peu à modifier la politique étrangère américaine. La première phase de cette politique étrangère de Roosevelt, c'est ce qu'on va appeler la politique du bon voisinage. Ouais. Ça consiste en quoi? Et ça s'exprime comment? C'est d'établir des bonnes relations avec le continent centre-américain et sud-américain. Pourquoi? Parce que depuis la guerre de 1898, depuis le fameux amendement Platt de 1904 qui permettait aux États-Unis, à toute fin pratique, d'intervenir dans la politique cubaine, depuis l'intervention américaine en Haïti en 1915, puis des interventions au Nicaragua, disons que les États-Unis avaient très mauvaise presse en Amérique latine et le président Roosevelt voulait rétablir ça. Alors, dans un premier temps, et par une espèce de décision exécutive, il a accepté de retirer les troupes américaines d'Haïti. C'est une décision qui avait été prise par l'administration Hoover en 32. Et puis aussi, à la conférence de Montevideo, les États-Unis ont reconnu que désormais, elles n'allaient plus intervenir dans la politique intérieure des États d'Amérique latine. Et quand le Mexique a nationalisé ses compagnies pétrolières à la fin des années 30, les États-Unis n'étaient pas vraiment particulièrement enchantés de la décision, mais ne sont pas intervenus. Oui. Puis évidemment, votre ricanement, c'est que sous-entend, si je lis bien dans votre tête, André Champagne, c'est que ça va faire un temps. Ça va faire un temps. Ils vont se reprendre plus tard. Éventuellement, oui. On renonce pas à cette partie-là du monde si facilement à Washington. Autre geste significatif, au début du mandat Roosevelt, en 1933, c'est, il faut se remettre dans le contexte, c'est la reconnaissance officielle de l'URSS par Washington. Pourquoi cette décision-là? Pour la très simple et très bonne raison que les milieux d'affaires américains pressait le gouvernement de rétablir les liens dans l'espoir de trouver un nouveau marché. C'est aussi simple que ça. Et aussi dans l'espoir de régler les fameuses dettes de la Première Guerre mondiale. Ouais. Et le ministre des Affaires étrangères soviétique, Litvinov, va promettre de rembourser une partie de l'argent que les banques américaines avaient prêté au gouvernement russe, mais finalement, ils ne rembourseront rien. Voilà, parce que ça sera une grande déception. Il y a toute une série de conditions qui sont posées par les Américains. D'ailleurs, on l'a déjà évoqué dans une autre émission, ces Américains qui avaient choisi d'aller s'établir en URSS parce qu'il y avait du chômage aux États-Unis, quand on commence à les enfermer à partir de 1936-1937, le gouvernement américain ne lèvera pas le petit doigt pour leur revenir en aide. Oui. Pendant ce temps-là, en Europe, donc on est au milieu des années 30, les indices se multiplient, annonciateurs de ce qui s'en vient. Hitler prend le pouvoir et puis il y a cette grande marche de l'Allemagne nazie, la Tchécoslovaquie. Enfin, ça tombe à gauche, à droite. Les États-Unis, à ce moment-là, continuent de rester les bras croisés et de se replier sur eux-mêmes. Pour la très simple et très bonne raison qu'on a évoquée, c'est que l'opinion publique est catégoriquement opposé. Mais avec des gestes concrets, André. Oui. Des lois qui sont adoptées au Congrès. Les fameuses quatre lois de neutralité qui fait que, par exemple, en 1934, le Congrès décide qu'on ne prêtera pas de l'argent à des gouvernements qui n'ont pas remboursé leurs dettes. Oui. En l'occurrence, la France, la Grande-Bretagne et la Russie. En 1935, embargo sur les ventes d'armes à tout pays en guerre. Cette mesure force l'Angleterre et la France à la prudence. 1936, interdiction du Congrès de prêter à n'importe quel pays en guerre, qu'il soit en bon terme ou en mauvais terme avec les États-Unis. Puis en 1937, ça c'est vraiment très révélateur, obligation aux acheteurs en guerre de payer comptant leurs acquisitions et de les transporter sur leur propre bâtiment. Pourquoi? Parce que à la Première Guerre mondiale, il y avait eu l'incident du Lusitania en 1915, un paquebot qui transportait des Américains puis des Européens à destination de l'Europe. Il avait été coulé près des côtes de l'Irlande et on avait appris qu'il y avait des cargaisons de dynamite à destination de la Grande-Bretagne. Et on s'est dit que, étant donné que cet incident-là avait exercé une pression sur l'opinion publique, sur les États-Unis, on s'est dit, on ne veut plus se retrouver dans cette espèce de situation-là. Donc, c'était réel, cette volonté, non seulement de l'opinion publique, mais du concret, de ne pas participer. Ouais. Et cette fameuse politique, elle sera célèbre, et j'utilise l'expression anglaise parce qu'elle est très connue, le cash and carry, c'est que tout ce qui sera acheté, armes ou autre chose, aux États-Unis... Exactement, doit être transporté par des navires français ou des navires britanniques. Et payé comptant. Et payé comptant, voilà. Ouais. Ce qui devait arriver, cela dit, arriva parce que la montée d'Hitler, on la voit venir, on la voit de mois en mois, cette montée nazie en Europe. Et ce qui devait arriver, arriva. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Deux jours plus tard, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. My countrymen and my friends, my single duty is to speak to the whole of America. Il est de mon devoir de prendre la parole aujourd'hui et de m'adresser à tous les Américains. J'ai longtemps espéré qu'un quelconque miracle empêcherait une nouvelle guerre dévastatrice en Europe et bloquerait l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Force est d'admettre que les événements fâcheux des dernières années ont été provoqués par l'usage de la menace et de la force. Avec le déclenchement de cette guerre, il m'apparaît clair que l'Amérique doit user de son influence pour établir, au nom de l'humanité, une paix durable qui veillera à éliminer, autant que possible, le recours à la force dans les conflits entre les nations. Which will eliminate, as far as it is possible to do so, the continued use of force between nations. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. Je l'ai déjà dit et je le dirai encore. J'ai vu la guerre et je hais la guerre. Je souhaite que les États-Unis demeurent en dehors de cette guerre et je pense qu'ils le feront. Et je vous donne l'assurance que tous les efforts de votre gouvernement seront dirigés en ce sens. Extrait du discours que le président Roosevelt adresse aux Américains au moment où la France et la Grande-Bretagne entrent officiellement en guerre contre l'Allemagne. On vient de l'entendre, c'est très, très clair dans cet extrait, André Champagne. À ce moment-là, il n'est pas question pour Franklin Roosevelt que les États-Unis entrent dans cette guerre. Pour une raison évidente, l'opinion publique n'est pas favorable. Puis en plus de ça, à ce moment-là, déjà, il envisage à se présenter pour un troisième mandat en 1940. Et il sait pertinemment bien que si il a fait entrer les États-Unis dans la guerre, il ne sera jamais réélu. Oui. Donc, il n'a pas le choix. Et aussi, il regarde les sondages. Et les sondages démontrent que l'opinion n'est pas prête. Ça va tellement loin que même au lendemain de la défaite de la France, en juin 1940, et au début de la campagne de bombardement de l'Allemagne contre les villes britanniques, l'opinion publique ne change toujours pas. Oui. Le véritable changement va s'opérer pendant l'année 1941. Mais avant ça, l'opinion publique ne veut pas... Les familles américaines ne veulent pas voir leurs garçons partir à la guerre. Il y a quand même, en juin 40, quand la France tombe, un début de soubresaut, en tout cas dans les officines à Washington. Mais effectivement, il faut préparer l'opinion publique. Exactement. Mais c'est le début d'une manière d'étapisme. Il y a un engagement, mais qui va se faire graduellement. On est encore très, très loin d'une entrée officielle en guerre des États-Unis, mais on sent que ça bouge. De quelle manière ça va se faire? Ben, c'est-à-dire qu'il va tout simplement lancer un programme de réarmement. D'abord, construction d'avions de combat, de bombardiers, de chasseurs, construction de navires de guerre. 50 000 avions. Exactement, oui. Les chiffres sont assez impressionnants. Et pourquoi? Parce que lui, il est parfaitement conscient que tôt ou tard, les États-Unis entreront en guerre et qu'ils doivent être prêts. Bon, on parle de chiffres. Je vais vous en citer quelques-uns. En 1938, les forces navales anglo-américaines discutent en secret d'une stratégie pour contrer l'Allemagne et le Japon. En 1938, le réarmement commence. L'objectif de Roosevelt, une marine égale à personne, à aucune autre. On met au point le bombardier B-17 et on étudie les blindés. En 1939, il y a 10 millions de chômeurs. En 1938, les Américains produisent pour 26,4 millions de tonnes d'acier avec un tiers de leur capacité. Ouais. Donc soutien à l'effort de guerre. Ou à l'effort de guerre. La machine industrielle américaine. Aussi, exactement. Et il est conscient d'une chose également, c'est que non seulement il faut que l'Amérique soit prête au moment où la guerre va commencer, mais qu'en même temps, la relance de la production d'armement va relancer l'économie, va créer massivement de l'emploi. Mais ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est que, étonnamment, les États-Unis se préparaient à une guerre contre le Japon depuis 1905, depuis le lendemain de la défaite de la Russie contre le Japon, la fameuse guerre de 1904-1905. Les stratèges américains étaient conscients qu'ils devraient éventuellement affronter le Japon. D'ailleurs, en 1931, l'expansion japonaise commence en Mandchourie. En 1937, le Japon agresse la Chine et va occuper toute la façade côtière de la Chine. Et c'est clair que pour le haut commandement américain, il y aura une guerre éventuellement contre le Japon. Mais Roosevelt, lui, ce qu'il voit, c'est aussi une guerre en Europe contre l'Allemagne nazie. Ouais. Donc, l'Amérique doit être prête. Ouais. Et il y aura, mais vous le dites, c'est un politicien d'abord et avant tout, il doit suivre son opinion publique, mais la préparer aussi à cette inévitable guerre et à cette échéance électorale dont vous parliez. Roosevelt, il est finalement réélu, c'est son premier objectif. En novembre 1940. En novembre 40, arrive en décembre 1940. Vous dites le vrai changement, ce sera en 41, mais lui, il prépare. Oui. Réélection en novembre 40. Discours important en décembre 1940. On écoute un extrait qui officialise la fin de l'isolationnisme américain, qui annonce ce qui s'en vient. We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency. Nous devons être le grand arsenal de la démocratie. Pour nous, il s'agit d'une urgence aussi grave que la guerre elle-même. Nous devons nous appliquer à notre tâche avec la même résolution, le même sentiment d'urgence et le même esprit de patriotisme et de sacrifice que si nous étions en guerre. As we would show, were we at war. As President of the United States, I call for that national effort. En tant que président des États-Unis, j'appelle à cet effort national. Je l'appelle au nom de cette nation que nous aimons et honorons et que nous sommes privilégiés et fiers de servir. Je lance cet appel à notre peuple avec la confiance absolue que notre cause commune réussira grandement. Will greatly succeed. Quelle importance a ce discours de Franklin Roosevelt, André Champagne, discours de décembre 1940? C'est parce que l'Angleterre est sous les bombes depuis le mois de juillet. Et le 8 décembre 1940, Churchill dit dans un télégramme à Roosevelt, l'Angleterre n'a plus, l'Angleterre est ruinée, l'Angleterre n'a plus pu payer. Mais nous avons encore besoin d'armes. Alors, Roosevelt doit convaincre l'opinion publique et le Congrès qu'il faut quand même vendre des armes à l'Angleterre, même si l'Angleterre ne paye pas. Et c'est là qu'il va évoquer la fameuse, l'exemple, si la maison de votre voisin est en feu et que vous avez un boyau, vous allez lui prêter votre boyau, eh bien, les États-Unis font la même chose. Alors, ce qu'il entend par la nationale démocratie, c'est que les États-Unis, pays riches, vont tout simplement prêter des armes, des tanks, des canons, des navires aux Britanniques pour la durée de la guerre. Et une fois la guerre terminée, les Britanniques vont tout simplement remettre le matériel. Il sait très bien que c'est pas comme ça que ça va se produire, mais c'est comme ça qu'il réussit à convaincre l'opinion et le Congrès. Et c'est la fin du, on y revient, de ce fameux cash and carry. Exactement. Donc, plus de... Et c'est ça l'arsenal de la démocratie. Voilà. C'est que les États-Unis, étant donné leur puissance, se doivent d'aider les pays menacés par, justement, les régimes autoritaires. Roosevelt va rencontrer à nouveau Churchill en août 1941. Les deux hommes signent la Charte de l'Atlantique. Qu'est-ce que ça change, cette signature, cette rencontre, en fait, à la dynamique? Cette rencontre, c'est... Bon, pour Roosevelt, c'est clair que les États-Unis vont entrer dans la guerre éventuellement, mais au nom de grands principes. Les principes qui avaient été évoqués par Wilson à la conférence Woodrow de Versailles. Wilson. Mais ce qu'ils disent également, c'est que cette guerre-là aura pour objectif de servir, de lutter contre les régimes autoritaires et d'établir des démocraties et devra également mettre fin aux empires coloniaux. Churchill, lui, s'était rendu à Terre-Neuve, s'était rendu à cette conférence-là d'Argentine Bay, dans l'espoir de convaincre Roosevelt de faire entrer les États-Unis immédiatement en guerre, ce que Roosevelt ne fait pas. Oui. Mais la Charte de l'Atlantique va être déterminante pour l'après-guerre. Parce que c'est la Charte de l'Atlantique annonce quels seront les objectifs poursuivis par les États-Unis pendant cette guerre. Et à partir de ce moment-là aussi, les navires américains vont commencer à escorter. Les convois britanniques. Pour les protéger, en fait. C'est une manière de déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Pourquoi? Parce que l'espoir de Roosevelt, c'est que il y a suffisamment de navires américains coulés par des sous-marins allemands pour renverser l'opinion publique, pour démontrer à l'opinion publique, vous voyez, l'Allemagne nazie, c'est vraiment une menace, c'est un agresseur. Donc, il tentait de piéger Hitler en menant cette politique-là. Et il y aura au moins quelques-uns, en tout cas, des frappes à partir de sous-marins nazis, mais le point tournant, c'est l'attaque japonaise à Pearl Harbor en 1941. C'est là où vraiment il a tout ce qu'il faut, Roosevelt, entre les mains. Et bon, la question de Pearl Harbor, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les Américains avaient imposé un embargo sur l'exportation de fer et de pétrole au Japon à l'été 1941. Le Japon avait besoin de 80 % d'importation de pétrole et de fer. Donc, il forçait pratiquement le Japon à poser ce geste-là. Et ça aussi, c'était une déclaration masquée, déclaration de guerre masquée. Exactement. Mais c'est ce que les Japonais vont toujours dire. Ouais. Et donc, les Japonais donc attaquent Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Le lendemain, Roosevelt se présente devant le Congrès et demande au Congrès de voter une déclaration de guerre à l'Empire du Japon. Mais étonnamment, le 10 décembre, c'est Hitler qui déclare la guerre aux États-Unis. Donc, Roosevelt n'a même pas besoin de demander au Congrès de voter une déclaration de guerre, parce que c'est Hitler qui déclare la guerre. C'est donc le début, de cette entrée en guerre des États-Unis. Un dernier aspect que je voudrais qu'on aborde ensemble, parce qu'il y a des parallèles intéressants, entre le président Woodrow Wilson qui va consentir tardivement à ce que les États-Unis entrent en guerre durant la Première Guerre mondiale et, on l'a bien vu, la marche plus rapide, mais quand même pas immédiate, de Roosevelt vers l'entrée en guerre des États-Unis à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a vraiment des rapprochements intéressants sur les motifs justifiés pour l'entrée en guerre aux États-Unis, des États-Unis, sur ce qui va suivre, la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. Comment on peut comparer la façon dont les deux hommes, les deux situations et la façon dont ils vont gérer ces situations? C'est que Wilson voulait pas faire entrer les États-Unis dans la guerre. D'ailleurs, à l'élection de novembre 1916, il avait promis aux Américains de ne pas entrer dans la guerre. Sauf qu'en janvier 1917, l'Allemagne avait décrété la guerre sous-marine à outrance, donc avait annoncé qu'elle allait attaquer les navires neutres, donc américains, qui ravitaillaient la France et la Grande-Bretagne. Et par le télégramme de Zimmermann, l'Allemagne avait proposé au Mexique une aide militaire et des conseillers pour attaquer les États-Unis. Et en échange, le Mexique pourrait récupérer la Californie, le Texas et l'Arizona. Ce message-là avait été intercepté par les services britanniques qui l'avaient envoyé à Wilson. Et suite à ça, Wilson avait demandé une déclaration de guerre au Congrès. Mais en disant, c'est là où c'est intéressant, Wilson disait, nous faisons la guerre mais au nom de la paix. Oui. De la même façon que Roosevelt va dire, nous faisons la guerre au nom de la démocratie. Exactement. C'est parce que pour Wilson, c'était une croisade pour la démocratie, la Première Guerre mondiale. Et les États-Unis n'étaient pas des alliés, mais des partenaires des Britanniques et des Français. Ouais. Alors que pour Roosevelt, lui, c'était pour lutter contre les régimes expansionnistes, les régimes autoritaires, mais au nom des principes évoqués par la Charte de l'Atlantique. Il faut dire qu'en 1920, il avait été candidat à la vice-présidence pour le Parti démocrate. Et la plateforme du Parti démocrate, c'était de mettre en pratique les principes de la diplomatie wilsonienne et de faire adhérer les États-Unis à la SDN qui avait été rejetée par un congrès républicain. Ouais. Et de la même façon que le président Wilson sera l'homme derrière la SDN, la Société des Nations, de la même façon, Roosevelt sera déterminant dans ce que deviendra l'ONU. Parce que l'ONU, c'est vraiment c'est le résultat de la SDN énoncé par Woodrow Wilson. André Champagne, historien, ami de l'émission, encore une fois, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci, André. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.